Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Beaumanoir personnifie la résistance. Voilà ce que l'on peut lire dans une revue datant des années 40. Oui, mais la résistance à quoi ? Beaumanoir personnifie la résistance à l'invasion. Oui, mais à quelle invasion ? L'invasion du droit romain dans la législation féodale. Voilà la raison pour laquelle Beaumanoir est considéré comme personnifiant la résistance. Mais cela dans la revue de la bibliothèque de l'école des chartes, Beaumanoir, dont il est question, et Philippe de Beaumanoir, un jurisconsulte du XIIIe siècle, et la revue date bien des années 40, mais des années 1840, 1847 précisément. Un siècle plus tard, dans d'autres années 40, il est également possible de dire que Beaumanoir personnifie la résistance. Mais cette fois, il s'agit d'Anne Beaumanoir, résistance au sens où elle a participé au mouvement de lutte contre l'occupation des armées allemandes, où elle s'est battue pour sauver d'autres humains à qui l'on avait demandé de porter une étoile jaune. Mais Anne Beaumanoir est résistante dans un sens plus large encore, puisque sa vie entière, la lutte contre l'oppression de toute forme, a été sa ligne de conduite. Elle incarne l'esprit de la résistance, un concept difficile à définir. D'ailleurs, faut-il parler de l'esprit de résistance ou bien de l'esprit de la résistance ? Allez, demandons-lui, Anne Beaumanoir, qui personnifie la résistance, est notre invitée aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Cette semaine dans le cours de l'histoire, résistance, mais où sont passés les jours heureux du nom donné au programme du Conseil national de la résistance. Nous avons vu comment, désunie, la résistance a trouvé la voie de l'union. Nous allons évoquer la figure d'Ambroise Croizat, le père de la sécurité sociale, des émissions à retrouver sur le site franceculture.fr ou bien en podcast, la baladodiffusion, et puis des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, l'esprit de résistance avec un grand témoin, Anne Beaumanoir. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, comment dois-je vous appeler, Anne ou Annette Beaumanoir ? J'aime mieux Annette, parce que c'est pour les amis, Annette, vous voyez. Alors appelez-moi Annette. Ça fait plaisir. Annette Beaumanoir, vous êtes résistante, mais résistant veut dire quelque chose de vague quand cela s'étend à une vie entière. C'est plus une démarche, une compréhension que nous voudrions avoir avec vous, de votre analyse, de vos choix et simplement de votre vie. Une biographie sur vous vient de paraître, elle est écrite par Anne Weber, Annette, une épopée aux éditions du Seuil. Ça doit faire tout drôle d'avoir une biographie sur soi. Je me permets madame, quel âge avez-vous ? J'ai actuellement, je vais l'avoir, 97 ans dans quelques mois, donc presque un siècle plus ou moins. Un siècle plus ou moins avec cette biographie, Annette, une épopée. Est-ce que le mot épopée vous convient, vous qui êtes la personne concernée, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mot épopée ? Alors, pas du tout, je ne suis pas du tout satisfaite d'être une épopée, enfin, ou que l'on pense que ma vie a été une vie d'épopée. Ça a été une vie tout à fait banale, compte tenu des circonstances historiques que j'ai traversées. Malgré tout, Annette Beaumanoir, vous vous rendez compte que vos choix de vie, vos engagements, ne sont pas ceux de la majorité de la population. Et en cela, c'est vrai que votre destin diffère d'autres destins, mais né de votre propre volonté. Vous avez fait des choix à des moments particuliers de votre vie. Oui, mais c'était des choix relativement faciles. Par exemple, le choix de devenir une résistante, c'était facile. Il y avait ceux, évidemment, qui se bouchaient les oreilles, le nez et tout ce que vous voulez. Mais la plupart des gens, ceux qui regardaient en face ce que nous étions en train de vivre, étaient obligés de faire un choix. Alors, le bon choix ou le mauvais choix. Par chance, je crois que j'ai fait le bon choix. C'est-à-dire d'entrer dans la résistance. Vous avez fait le bon choix, Annette Beaumanoir, ce qui conduit effectivement Anne Weber à parler d'épopée, parce qu'il y a l'analyse faite par la personne concernée, vous-même, et une forme de modestie, mais de modestie pas feinte, c'est-à-dire une analyse de la situation, et puis le regard extérieur que l'on peut porter, nous, auditeurs, Anne Weber qui a écrit votre biographie, Annette Beaumanoir. Et effectivement, il y a quelque chose d'épopée. Vous avez traversé ce siècle terrifiant qu'est le XXe siècle. Vous êtes née en Bretagne en 1923. Il faut là aussi tout de suite mettre en place le contexte, parce que la Bretagne est un monde particulier dans les années 20. Est-ce qu'en Bretagne, dans les années 20, nous trouvons un esprit de résistance possible dans ce monde très catholique, dans les choix familiaux qui ont été faits autour de vous? Est-ce que vous diriez, Annette Beaumanoir, qu'il y avait déjà quelque part une volonté de résistance, ou en tout cas de s'opposer à des formes de domination? Absolument, en tout cas chez mes parents. Moi, je dois tout à mes parents. C'est eux qui m'ont fait, en quelque sorte, j'entends, sur tous les plans. Et notamment, si je suis devenue ce que je suis, je le dois totalement à mes parents, qui déjà à l'époque, dans les années 20, étaient des gens qui, réfléchissaient à ce qu'était l'avenir du pays sur le plan politique, etc. Qui étaient des gens de gauche, d'ailleurs, qui l'exprimaient. Ma mère était d'ailleurs membre du Parti communiste, ou très proche du Parti communiste. Je n'ai jamais su si elle était véritablement membre ou pas. Et mon père était, lui, déclaré socialiste, donc dans les années 20, en quelque sorte. De plus, je suis née, une bâtarde, parce que je suis née avant le mariage de mes parents. Pourquoi ? Eh bien, parce que ma famille maternelle, si vous voulez, appartenait à une... était extrêmement pauvre, en fait. Ma grand-mère, qui élevait seule, parce que veuve, trois filles, était extrêmement pauvre. Et mon père appartenait à une famille, Beaumanoir, que l'on considérait riche. Mais comme personne n'était très riche en Bretagne à l'époque, je ne pense pas qu'ils étaient très riches. Mais enfin, ils faisaient partie de l'élite, je mets des guillemets, évidemment, pour beaucoup de gens. Et donc ma grand-mère trouvait que son fils aîné ne devait certainement pas épouser une fille aussi pauvre que ma mère. Voilà. Donc je suis née hors mariage. Votre maman était fille-mère. Nous sommes dans les années 1920 où le regard de la société est très fort, dans des régions marquées par la religion encore plus. Et puis il faut le rappeler, hein, la majorité c'était 21 ans. Oui, c'est pour ça, oui, il a fallu que mes parents attendent 21 ans pour que je puisse devenir Beaumanoir. Vous avez grandi, Annette Beaumanoir, dans la France des années 1920-1930. Alors l'historien, l'historienne regarde la période et voit la montée des fascismes, voit des mouvements d'ampleur, regarde la guerre d'Espagne. Est-ce que vous, adolescente, vous étiez consciente de tout ce qu'il se passait? Y avait-il un intérêt pour la politique? Nous sommes en 1936, dans la période du Front populaire. Beaucoup de sujets à évoquer à table à la maison. C'était le cas chez vous, Annette Beaumanoir? Absolument, c'était le cas chez moi, et mes parents me traînaient dans les réunions à Dinan ou à Saint-Brieuc contre justement le montée du fascisme en France. Donc j'ai connu ça très très tôt grâce à mes parents et à leur engagement qui était déjà très sérieux, en tout cas pour la Bretagne à ce moment-là. Avec un engagement dans le Parti communiste évident dès le début, c'est-à-dire que l'engagement peut prendre plusieurs formes, c'est juste une proximité, des échanges, des discussions, et puis après un engagement plus militant. Comment s'est fait votre engagement, Annette Beaumanoir? Mon engagement, moi, c'est finalement la guerre en quelque sorte. Je suis devenue communiste, en effet, mais sans l'avoir véritablement choisi moi-même. C'est-à-dire, quand je suis rentrée en résistance, c'est parce que, évidemment, il a fallu trouver comment rentrer en résistance. Et je vous dirai comment j'ai fait, et comment c'est arrivé pour moi. Et il s'est trouvé que la personne qui m'a fait entrer en résistance était communiste, et je suis rentrée comme ça, au Parti communiste. Évidemment, c'est parce que ça me convenait, sinon je n'aurais pas fait. Ben oui, parce que le Parti communiste de ces années 1930 est aussi une voie de lutte possible. Dites-nous, Annette Beaumanoir, le contexte explique les engagements. Et en l'occurrence, pour cette fin des années 1930, c'est la guerre qui surgit, qui oblige la jeune femme que vous êtes jeune, vous êtes même très jeune, vous êtes même pas majeure, vous avez... J'avais un peu plus de 17 ans, quoi. Qu'est-ce qui fait, et c'est vraiment une question qui se pose sans cesse, qu'est-ce qui explique l'engagement, la bascule, se dire « je vais agir ». Pourquoi il y a ce choix chez vous, Annette Beaumanoir? Ben d'abord, il y a peut-être justement les rapports avec mes parents, qui étaient, comme je vous l'ai dit, des gens engagés, et engagé vraiment, évidemment, contre le nazisme. Et donc, ça m'a beaucoup servi hein, pour faire le choix que j'ai fait. Puis aussi les lectures, la connaissance de ce qui se passait en Allemagne. J'ai eu l'opportunité, la grande chance, d'avoir un prof, jeune prof, de physique, et qui, je l'ai appris après, hein, dont le mari était un Allemand qui avait fui le nazisme, justement. Et donc, elle m'avait, appris, parlé, et je savais à peu près ce qui se passait à ce moment-là en Allemagne. Et évidemment, je ne voulais pas de ça pour mon pays, ni pour aucun pays au monde. Donc, évidemment, ça m'a beaucoup aidé dans mon choix d'entrer dans la résistance. Mais du choix au passage à l'acte, il y a un moment très particulier qui correspond aussi à des possibilités. Parfois, c'est parce qu'il y a une rencontre qui nous conduit vers un réseau, par exemple. J'imagine que ça pouvait se passer comme ça. Et puis, il y a aussi la recherche de la bonne rencontre. Comment avez-vous procédé? C'est-à-dire que vous avez cherché à rencontrer des résistants. Comment ça se passe? Nous sommes donc dans ces périodes tellement sombres et puis où l'avenir est complètement incertain. Comment avez-vous fait pour dire « je vais être résistante » ? Alors là, je voulais être résistante, effectivement. Mais comment faire? On ne se baladait pas avec un truc sur la tête. Je voudrais bien être résistante. Donc, il fallait trouver, chercher l'opportunité. C'était le hasard, parfois. Le hasard, ça fait beaucoup de choses dans la vie. Hein. Et donc, pour moi, ça a été relativement facile. Pourquoi? Parce que je faisais partie d'une association qui était les auberges de jeunesse. Ce n'est pas du tout les auberges de jeunesse d'aujourd'hui, hein. C'était relativement récent, pour comment ça a été inauguré, je crois, en 36. Et donc, les auberges de jeunesse, ça réunissait garçons et filles, ce qui était tout à fait rare à l'époque, je crois. Et ça, c'était déjà très bien. Et puis, c'était un lieu où on discutait énormément, notamment de politique. Et vous savez, quand on était dans une auberge de jeunesse, comme ça avait garçons et filles, on vous surveillait un petit peu. C'était la mère aubergiste ou le père aubergiste. Et moi, je fréquentais un lieu où il y avait justement cela. Et en fait, le père aubergiste discutait avec nous, les jeunes. Et moi, j'ai compris que ce monsieur était sûrement dans la résistance. Alors, je n'ai pas dit, évidemment, vous êtes dans la résistance, monsieur, hein? Non. Mais j'ai répondu à ses discours en essayant de lui faire comprendre que moi, j'aimerais bien être dans la résistance. Et à un moment, ça fait tilt, quoi. Et il m'a présenté, en quelque sorte, à un des responsables du Front National, pas celui d'aujourd'hui, qui venait de se créer, ça devait être avril 41, quelque chose comme ça, à Rennes, quoi, le correspondant de Rennes, qui m'a embauché au Front National étudiant à Rennes. Oui, vous étiez étudiante en médecine. J'étais étudiante, c'était ma première année d'étudiante. Annette Beaumanoir, vous êtes jeune, vous avez 18 ans, nous sommes en 1941, vous êtes étudiante en Bretagne. Je vous propose d'écouter une archive des actualités françaises, une archive de propagande du 23 septembre 1942 qui s'intéresse à la Bretagne. En Bretagne, le mois de septembre a vu le dernier pardon. À Quelven, près de Vannes, c'est le grand pèlerinage annuel qui attire les fidèles de tout le Morbihan. Aspect classique de la terre bretonne. Image d'une foi ardente qui émane de toute cette province de France, si attachée à ses traditions. Archive de propagande de 1942 qui présente la Bretagne comme une région très catholique, attachée à ses traditions. Annette Beaumanoir, votre engagement dans la résistance s'étend. Vous quittez la Bretagne, vous allez à Paris. C'est en 1942 que vous quittez Rennes pour aller à Paris. Pourquoi Paris? On vous demande de partir à Paris pour continuer vos actions de résistante? Oui et non. Ah oui. C'est comme ça. C'est-à-dire, pourquoi je suis partie à Paris? C'est parce qu'il y a eu des arrestations dans notre groupe, là. Moi, je n'ai pas été arrêtée, et ni un autre garçon, parce que c'était au moment des... Vous savez, ça devait être juin ou quelque chose comme ça, il y avait les examens oraux. Et Beaumanoir, j'étais dans les premières, et moi, j'avais... terminé, si vous voulez. Donc, je n'étais plus à Rennes quand il y a eu ces arrestations. Si bien que je n'ai pas été arrêtée. Et c'est la résistance qui a dit qu'il faut aller ailleurs, quoi. Et moi, j'ai dit j'aimerais bien aller à Paris. Voilà. Donc, je suis allée à Paris, soi-disant pour continuer aussi mes études en même temps qu'étant résistante. Mais au bout d'une semaine, à peu près, que j'étais à Paris, peut-être un peu plus, je ne sais pas comment, hein, je ne sais pas... On a dû se rendre compte que j'étais même recherchée à Paris, quoi. Et donc, j'ai dû devenir clandestin. C'est-à-dire une permanente de la résistance. Annette Beaumanoir, quelle était votre action de résistante quand vous étiez en Bretagne? Que faisiez-vous? Oh ben là, vous savez, c'était de la propagande, en fait. Hein. Les tracts, afficher les tracts, écrire sur les murs des slogans en faveur de la résistance, comme ça. C'était pas grand-chose, en quelque sorte. Mais ce qui était important, à mon point de vue, c'était de montrer qu'il y avait des gens qui, quand même, ne supportaient pas que l'on soit occupé par les armées allemandes et nazies, surtout. Voilà, donc je crois que ça avait une certaine importance. Et j'allais vous demander, et quand vous arrivez à Paris, quelles sont vos actions de résistante? Là, vous êtes dans la clandestinité, là, vous changez en fait de mode d'action, où on vous demande de remplir d'autres missions. Un petit peu, comme ça change un petit peu, comment dire. D'abord parce que là, maintenant, je suis au Parti communiste. Je suis résistante aux jeunes communistes combattants, au JCC. Alors, donc, on me donne une fonction, et elle va changer, évidemment, puisque je suis restée à Paris presque un an et demi. Hein. Alors, je vais pas toujours faire la même chose. Alors, ce qu'il faut savoir, dans la résistance communiste, ça fonctionnait de cette façon-là. Ça fonctionnait par triangle. C'est-à-dire, si je suis recrutée dans un quartier, j'appartiens à un triangle qui est formé de trois personnes, puisque c'est un triangle, on comprend. Alors, dans ces trois personnes, il y a ce qu'on appelait le technique, celui qui s'occupait des renéos, c'est-à-dire qui relisait les tracts qui avaient été écrits par le politique, le second, qui relisait les tracts, etc., les mettait en forme et les réonotait. Voilà, c'était une Renéo qui marchait sans électricité. Hein. C'était terrible parce qu'il fallait tourner la nuit entière pour avoir, je ne sais pas, un paquet de tracts. Tracts qu'il fallait ensuite distribuer. Alors, celui qui commandait, il s'appelait, c'était le troisième, il était le je ne sais plus comment on l'appelait, pourtant je l'étais. Enfin bref, et celui-là, alors donc, un triangle. Si j'étais, par exemple, technique, je ne connaissais que deux autres personnes. Celui dont j'allais recevoir les tracts à faire, à réannoter, et puis le patron qui me donnerait un ordre. Et puis celui qui était le patron, qui donnait les ordres, lui, il connaissait 3 personnes. Ça veut dire que pour les arrestations, ça faisait en sorte qu'on était quand même protégé par cette modalité de fonctionnement. D'ailleurs, après la guerre, je pensais souvent au Parti communiste qui disait je suis le parti qui a eu le plus de morts, etc. Ben, fusillé, totalement faux d'abord. Mais il aurait dû dire la vérité. Il aurait dû dire, nous avons été beaucoup mieux organisés, ce qui fait que on ne pouvait arrêter que 2 personnes. Enfin, si une personne était arrêtée, il ne connaissait que 2 personnes, donc il ne pouvait en donner que 2. En plus, il les connaissait sous son pseudo. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y avait énormément de communistes dans la résistance, et finalement, il n'y a pas eu plus d'arrestations qu'ailleurs, plutôt moins, par cause de cette modalité de fonctionnement. Annette Beaumanoir, dans votre parcours de résistance pendant la guerre, il y a une rencontre. Il y a ce que vous demande de faire le Parti communiste, très bien. Et puis, il y a une famille que vous rencontrez. Oui. Vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, absolument. Comme j'étais clandestine, comme je vous l'ai dit, évidemment, je n'avais aucun contact avec mes parents, ni aucun contact. Ils ne savaient même pas où j'habitais, d'ailleurs, comme tous les résistants clandestins, je changeais beaucoup de résidence, hein, et très fréquemment, et même de nom. Et donc, on m'envoyait quand même des colis, parce qu'en Bretagne, on avait moins faim qu'à Paris, hein. Et donc, ils m'envoyaient des colis, mais chez des amis, et notamment chez un couple d'amis de mon père, qui habitait dans le 13e arrondissement de Paris. Et donc je vais chercher mon colis, et Elisabeth, madame qui recevait le colis, m'ouvre et me dit immédiatement « Oh, quel bonheur, te voilà aujourd'hui, etc. » Parce que Borel, son mari, c'est, je pourrais vous dire pourquoi c'était juste, c'est d'un certain, quoi, qu'il va y avoir dans le 13e arrondissement de Paris une rafle, soit cette nuit, soit la nuit prochaine. Et ce sera tous les immeubles seront visités pour arrêter des juifs. Et faudrait que la résistance fasse quelque chose. Évidemment, elle ne savait pas ce que c'était la résistance. Elle, bon. Enfin, je lui dis oui, je vais tenter. Et je sors, et évidemment, il faut comprendre et savoir que dans les mouvements de résistance, un acte individuel était réprouvé complètement, parce qu'il mettait en danger le groupe, évidemment. Si on était arrêté, voilà. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, ben, j'ai fait comme vous auriez fait, quoi. Hein. J'ai désobéi à la résistance pour obéir à ma conscience. Et donc, je me suis dit, j'ai tenté de sauver ces gens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allé là, à l'endroit où on m'avait signalé qu'il y avait ces gens cachés. C'était là, elle s'appelait Victoria, je me rappelle son nom, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Victoria, c'était la concierge que je devais voir, parce que c'est elle qui les avait cachés dans un... voilà. C'était rue du Moulinet. Alors, les gens cachés, c'était 4 personnes et un bébé. Donc, je suis entrée. Il y avait un monsieur, assez âgé pour moi, qui était le papa. Il y avait 2 adolescents, les 2 plus grands que moi, en taille, en volume. Et puis, un garçon, une fille. Et puis, il y avait une jeune dame avec dans les bras un petit bébé. Il ne marchait pas, hein, bébé. Et voilà. Alors, M. Lizoprasky, monsieur, c'était le boulanger de la rue du Moulinet, à Paris, près de Tolbiac. Et ce monsieur n'avait pas de femme, elle était morte longtemps avant, quoi, voilà. La jeune dame, c'était la femme de l'employé de monsieur Lidoprasky, mais qui avait déjà disparu, parce que vous savez qu'en Paris, il y a eu aussi une nuit de cristal. Et donc, tous les commerçants juifs avaient été, enfin, les commerces juifs avaient été, vandalisés. Ils étaient vandalisés, donc il n'y avait plus de, ils ne pouvaient plus travailler. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, il a été caché avec sa famille. Alors moi, je me trouve là, et j'ai dû faire un discours, c'est une gosse, hein. J'ai dû faire un discours comme « me voilà, je suis la résistance, viens vous sauver, quoi ». Alors ce pauvre monsieur a dû se dire « qu'est-ce que c'est qui m'arrive là, quoi, qui c'est ça, cette môme ». Et finalement, j'ai compris qu'il n'était pas du tout d'accord pour me suivre. Parce que on a commencé des discussions dans la famille qui se faisaient en yiddish, je ne pouvais donc pas comprendre. Mais je comprenais bien qu'on discutait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et que le papa était plutôt « on n'y va pas ». Et puis finalement, au bout d'un moment, les deux jeunes gens ont mis leur manteau et ont décidé de me suivre. Alors voilà, on a tenté de demander à la dame de donner son bébé, mais n'a pas voulu. Et finalement, nous sommes partis tous les trois. Et je les ai cachés, quoi, voilà. Vous les avez conduits en Bretagne ? Non, moi je ne les ai pas conduits en Bretagne. Je les ai cachés dans notre planque, qui était à Asnières. Mais le lendemain, en ayant pris une excuse de maladie près du Parti communiste, j'ai pris le train, parce que je ne pouvais pas écrire, c'était trop long, téléphoner, c'était trop dangereux. Je suis partie en Bretagne pour voir mes parents et pour leur demander de prendre ces jeunes gens à la maison. Je savais qu'ils diraient oui. Hein, ils ont dit oui immédiatement. Et donc mon père est revenu avec moi pour chercher ces jeunes gens pour les emmener à la maison. En Bretagne, donc à Dinan. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous écoutons Annette Beaumanoir. Annette Beaumanoir, résistante, esprit de la résistance, parce que votre combat continue après la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où vous vous engagez aux côtés des Algériens lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Alors, pour faire un écho entre la Bretagne et l'Algérie, je vous propose d'écouter un duo entre Idir et Alan Stivell, un duo qui nous conduit dans ces deux mondes que vous connaissez très bien, Annette Beaumanoir. Ils chantent « Ils Alstiennent ». De la culture. Salut la vie, ma brode de Roamazi. Show my Alan Stivell dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert, le cours de l'histoire où Annette Beaumanoir nous parle aujourd'hui de l'esprit de la résistance. Annette Beaumanoir, nous avons bien compris votre parcours, votre cheminement, l'engagement dans la résistance et puis l'action, ce que vous avez pu faire lors de ces temps très troubles. J'imagine, Annette Beaumanoir, que aujourd'hui vous en parlez, il y a un côté, comment dire, que personne ne peut imaginer, qui est cette peur du quotidien. Nous réduisons la résistance à des actes, à des moments, à des actions, mais il y a tout cet entre-deux du quotidien, de la vie de tous les jours, des rencontres. Il y a la peur au ventre. Comment avez-vous traversé toute cette période-là? Alors, effectivement, la peur au ventre, elle est là. D'ailleurs, si elle n'était pas là, ça voudrait dire qu'on est complètement stupide. Hein. Donc, on a peur. Mais dans l'action, vous voyez, cette peur, elle se ressent d'une certaine façon qui n'est pas la peur que je vais avoir du chien du voisin. C'est ma boîte d'une façon agressive. Non, c'est pas du tout la même peur. C'est une peur qui vous habite constamment et qui finalement vous appartient, et fait partie de vous. Et donc vous la ressentez plus tellement, finalement. Moi j'ai compris ça après la guerre. Quand j'étais dans le train, revenant de Marseille vers Paris, qui avait mis 22 heures pour faire le trajet, et bien j'ai eu le temps beaucoup de réfléchir dans ce train. Et à un moment... cette réflexion m'est venue, comment j'ai subi tout ça sans avoir peur tout en ayant peur. Peur de mal faire, peur de, oui, d'être arrêté, mais pas seulement. Peur, si j'étais arrêté, je serais torturé, donc est-ce que je parlerais? Oh là là, ce serait terrible. Peur, comme ça. Mais on vivait avec. Sans, comment dire, s'y arrêter trop. lors de ce voyage en train que vous évoquez, Annette Beaumanoir, ce long voyage en train où vous avez le temps de faire le bilan presque de votre action, est-ce que vous dites que vous avez eu de la chance également? Parce que, évidemment, vos compagnons de résistance n'ont pas tous pu traverser la période. Certains ont été tués, des très proches aussi. Comment vivez-vous? Comment pouvez-vous réfléchir à cette question-là? Je rappelle aussi que vous êtes médecin, que vous êtes un neurophysiologue, et c'est important aussi cette réflexion que vous pouvez porter sur tout ce que vous avez traversé. Alors, quand j'étais dans le train, j'avais fait la moitié de la première année de médecine. Hein. Donc, c'était pas médecin du tout. Bon, mais la réflexion. Pourquoi je ne me rappelle plus très bien la question. La chance. Ah oui, la chance. Alors, vous savez, ça m'a beaucoup travaillé, ça, parce que j'avais comme honte d'être là. Et ça a tenu plusieurs années. J'avais honte d'avoir traversé tout ça, d'avoir fait ce que j'avais fait, et d'être toujours là. Ça me posait question pendant très longtemps. Alors, je me suis souvent posé la question, comment ça se fait? Ben, c'est la baraka, quoi. C'est la chance. C'est le hasard. Et c'était peut-être aussi parce que j'étais jeune, c'est vrai, j'ai terminé la guerre, j'avais 20 ans, mais j'en faisais beaucoup moins. Je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. Quand je suis retournée, par exemple, en médecine, donc la même année, j'avais 20 ans, ceux qui ne me connaissaient pas, évidemment, puisque c'était des nouveaux pour moi, avaient l'impression que j'avais leur âge, alors que j'avais au moins 4 ans de plus qu'eux. Vous voyez ? Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que je suis passée entre les mailles. Enfin, j'en sais rien. Vos camarades avaient le même âge, ok, mais ils n'avaient pas le même vécu. Et il y a quelque chose de très important que vous expliquez très bien, Annette Beaumanoir, sur l'engagement dans la résistance très jeune. Vous êtes engagée, vous aviez 17 ans. À ce moment-là, vous n'aviez pas un vécu construit. Toute votre construction mentale, votre vécu, votre espace vécu, vos relations, tout est lié à la résistance. Et ce n'est pas la même chose de se construire ainsi que d'entrer plus âgé dans la résistance. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, par exemple, moi, je n'ai pas connu ce qui se passe chez les jeunes entre, 14 et 20 ans. Je n'ai pas connu ça. C'est pourtant une période très riche en connaissances de la vie, etc. Moi, je n'ai pas connu. J'ai passé ça autrement. Annette Beaumanoir, après la guerre, vous participez notamment aux tribunaux qui visent à condamner les collaborateurs. Oui. Ça se passe dans le sud de la France. Hein. Oui, c'est à Marseille. Donc, parce que moi, j'ai terminé ma guerre à Marseille. J'ai commencé à Rennes et j'ai fini à Marseille. Donc en 1944, entre la libération de Marseille s'est faite entre le 20 et le 26 août 1944. Et moi donc, j'étais à l'époque responsable d'un mouvement jeune résistant qui s'appelait les Jeunes Laïcs Combattants. Et qui faisait partie de l'exécutif de l'ensemble des mouvements de résistance jeunes, qui s'appelait les FUJP, Force Unie des Jeunesses Patriotiques. Et donc j'ai été, désignée par les FUJP pour entrer au comité de libération, comme représentant des FUJP, pas moi en quelque sorte. Et j'ai été nommée, en quelque sorte, on peut dire ça, au comité qui jugeait, vous avez dit, les gens qu'on considérait comme avoir été des collaborationnistes. C'est-à-dire, c'est un comité d'épuration. Et donc, voilà, c'était créé pourquoi ? C'était pour lutter contre, justement, l'épuration sauvage, si vous voulez, parce qu'à l'époque, toujours après ces genres de ces moments, eh bien, si votre voisin vous plaisait pas trop parce que il avait pris un morceau de votre jardin, ou bien que, je sais pas, que son prunier gênait votre jardin, eh bien, on le mettait dans la cave. Hein. Si un tel ou une telle avait pris votre bon ami, eh bien, on le mettait aussi dans la cave. Par exemple aussi, les femmes que l'on tondait. Là. Tout ça, c'était des... quelque chose qui était complètement, qui n'était du tout pas le fait de la résistance, hein, c'était même interdit par la résistance. Mais les gens pensaient que en faisant ces actes, eh bien, ça leur donnait le droit de se faire passer pour un résistant. Annette Beaumanoir, quand on a vécu toute sa jeunesse dans la résistance et puis qu'après la guerre, dans un temps assez court, hein, vous participez aux tribunaux qui visent à condamner les collaborateurs, est-il possible de reprendre une vie normale juste après? Comment ça s'est passé pour vous dans ces années d'après-guerre, donc 45, 46, 47, dans ces années-là? Alors écoutez, moi j'ai repris mes études de médecine normalement. Hein. Je me suis marié, démarié, enfin parce que effectivement, évidemment, 3 ans comme celle que j'ai passée dans la résistance, à un âge qui était le mien, vous déconnectez un petit peu des réalités, hein, de la vie. Et ça a été mon cas pour moins de 3 ans, où j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais c'est bien les bêtises aussi parfois. Et puis vous devenez médecin, spécialiste de neurophysiologie. Vous avez une vie stable, respectable. Mais je vous propose que nous lisions ensemble le journal Le Monde à la date du 13 novembre 1959. En vérité, ce n'est pas nous qui allons le lire, c'est Olivier Martineau qui va le lire pour nous dans le cours de l'histoire. Marseille, 12 novembre. L'annonce de l'arrestation en compagnie du chef de la Wilaya France Sud, du docteur Annette Roger, neurologue et militante communiste, a jeté un vif émoi dans les milieux médicaux de Marseille. Femme d'un médecin, médecin elle-même, mère de 2 enfants âgés de 8 et 10 ans, elle était la belle-fille du professeur Henri Roger de la faculté de médecine de Marseille qui mourut en 1951. Elle déployait une activité secrète en faveur des membres du FLN. C'est ainsi que la police a établi qu'elle avait hébergé chez elle, dans son appartement, au numéro 66 du boulevard Notre-Dame, le chef de la Wilaya Sud avec qui elle a été arrêtée près de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. On suppose qu'elle aurait également offert asile à des chefs communistes chinois et algériens lors de leur passage secret à Marseille. Ces visites ne devaient pas tarder à alerter la police. Celle-ci trouva étrange les déplacements vers Paris que Madame Roger accomplissait au début de chaque mois à bord d'une 403 noire, qui était la propriété de la clinique où son mari dirigeait le service de neuropsychiatrie. Cette voiture, dont elle pouvait se servir à son gré, fut prise en filature par les services de la DST. Les enquêteurs remarquèrent que Madame Roger, chaque fois qu'elle se déplaçait vers la capitale, changeait d'itinéraire, empruntant tantôt la route nationale 7 sur la rive gauche du Rhône, tantôt la route située sur la rive droite du fleuve. Ils avaient également noté la présence constante à bord de la 403 d'un individu de type nord-africain. Un article du Monde daté du 13 novembre 1959, lu par Olivier Martineau, qui raconte... Annette Beaumanoir, votre arrestation. Il est étonnant toujours hein, de se dire que après la guerre, les destins continuent, on l'oublie souvent, mais qu'une vie se prend dans son ensemble. Et vous vous engagez du côté des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Pourquoi cet engagement? Alors je veux vous dire très simplement que c'est un continuum en quelque sorte, parce que je m'engage pour la même raison dans les deux cas. Ou bien dans la résistance, comme près des Algériens. Pendant la résistance, j'étais l'opprimé, mais pendant la guerre d'Algérie, j'étais l'oppresseur. Mais dans les deux cas, moi, je m'engage pour que, justement, personne ne puisse opprimer personne, qu'aucun État ne puisse opprimer un autre État, qu'aucune... que personne, comme je viens de le dire, ne puisse opprimer quelqu'un d'autre. Alors c'est pourquoi moi je me suis engagée et dans la résistance contre le nazisme, parce que c'était pas la résistance contre l'Allemagne, c'était la résistance contre le nazisme, et la résistance en quelque sorte, enfin, ou plutôt l'action en faveur de l'Algérie indépendante. Et cela vous a conduit en prison ? Oui, ça m'a conduit en prison, oui. Vous avez réussi, Annette Beaumanoir, à quitter cette prison. Oui. Vous n'auriez pas dû évader, quoi. Oui. Vous allez en Tunisie. En fait, l'engagement continue. Nous réfléchissons aujourd'hui à ce qu'est l'esprit de résistance. Et c'est vrai que nous pourrions, avec vous, voir tous ces moments de votre jeunesse où il y a un esprit de résistance dans votre famille, ne serait-ce que par les choix familiaux d'alliance, pendant la Seconde Guerre mondiale comme une évidence, pendant la guerre d'Algérie comme une évidence, et même encore ensuite, hein, par votre engagement auprès du peuple algérien. Oui, c'est vrai. C'est comme je vous ai dit, c'est ma vie, en fait. C'est-à-dire celle de quelqu'un qui s'engage, et qui s'engage toujours pour la même raison, encore une fois, pour que personne ne puisse opprimer une autre personne. Et dès lors, votre rôle de témoin devient majeur, parce que le témoignage qu'est votre vie, déjà, est important. Et c'est pas pour rien qu'il y a une biographie d'Anne Weber, hein, qui s'intitule « Annette, une épopée », qui vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est pas pour rien qu'il y a un très beau film, hein, de Nina et Denis Robert, « Une vie d'Annette », qui avait été diffusé sur France 3. Très, très beau film, avec beaucoup d'intervenants. On entend Georges Kejman, Marceline Loridan, on entend Adolfo Kaminski parler de vous, enfin, avec vous, vous êtes là. Les images, d'ailleurs, sont toujours troublantes, hein, de voir des gens que nous connaissons, parce que nous avons lu dans les livres des choses sur les uns et les autres, et puis de voir ces échanges et cette incarnation. Vous êtes aussi, ça, une incarnation d'un message à porter, et ce message, vous continuez à le porter auprès des plus jeunes. Oui, parce que j'interviens dans les collèges, et c'est quelque chose qui m'apporte énormément. J'apprends beaucoup avec ces jeunes, en qui j'ai d'ailleurs une confiance très bonne, une confiance en fait. Je suis optimiste pour l'avenir parce que justement je connais un petit peu les jeunes à travers ce que je fais près d'eux. Quelles questions vous posent-ils ? Par exemple, cette question du pourquoi s'engager. Est-ce que vous l'entendez parfois, Annette Beaumanoir ? Oui, ce n'est pas posé de cette façon-là, mais très souvent ça revient. Alors on me demande aussi, mais oui, pourquoi vous avez fait ça? C'est quelque chose qui... des questions qui reviennent extrêmement souvent. Je vais vous raconter une anecdote qui est très significative à mon point de vue et qui est aussi très émouvante. Voilà, c'est dans un collège qui est tout près d'ici, puisque c'est à Nyons. Et voilà, je vais dans ce collège et je fais mon laïus. C'est une heure et demie quand même où ils sont. On entend une mouche voler, hein. Voilà. Et donc, bon, ça se passe très bien. Puis après, en général, après les questions, tout ça, souvent ils m'entourent à la fin. Alors, vous savez, on peut avoir une photo avec vous, madame. Les filles surtout. On peut vous faire un bisou, madame. Alors, bien sûr, hein, ben, voilà. Et puis là, arrive un petit jeune homme. Il pleurait. Alors, ça, c'est la première fois que je voyais ça. Hein. Alors j'ai dit, je pensais qu'il était malade ou qu'il avait quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as, mon petit, etc. Voilà. Et il me dit, madame, merci. Je croyais que c'était bien d'être raciste. Parce que chez moi, on est raciste. Mais madame, je ne serai plus jamais raciste. Merci. Et il pleurait. C'était véritablement terrible, quoi, pour moi. Et puis, dans ce collège, tous les deux ans, on fait un... Vous savez, ils ont un petit journal, un petit nom, parce que c'est une centaine de pages, quand même. Et puis, ils racontent les événements qui sont arrivés dans le collège. Et donc, il y a une question... Vous avez eu Madame Beaumanoir, vous avez entendu Madame Beaumanoir, et dites-nous en quelques lignes ce que ça vous a apporté. Alors, je pourrais vous montrer, ce jeune garçon a réécrit exactement ce qu'il m'avait dit. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui, j'aime le dire, parce que je suis fière pour lui et pour moi. Voilà. Et vous avez raison de l'être, Annette Beaumanoir, vous avez raison, c'est tellement beau et fort ce que vous nous dites là, et puis surtout porteur pour l'avenir. Votre action du passé, durant la Seconde Guerre mondiale, durant la guerre d'Algérie, en fait, en étant aujourd'hui avec nous dans le cours de l'histoire, c'est un message que vous adressez aussi à l'avenir. L'esprit de résistance est toujours là, l'esprit de résistance réfléchit, mais pouvoir... quand l'on assiste à un moment d'oppression, se lever et dire non. Et c'est un peu ce message-là que vous portez, Annette Beaumanoir. Absolument, c'est ça. Vous venez de le dire, c'est absolument ce que je voudrais parvenir à faire, à porter ce message. J'espère de temps en temps y arriver. Voilà. Vous y arrivez très bien, Annette Beaumanoir. Merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'émission Le Cours de l'Histoire. Je rappelle aussi, parce que il faut le dire, il y a vos souvenirs, donc le feu de la mémoire. Et c'est vrai qu'avec vous, Annette Beaumanoir, il y a une temporalité fascinante, parce que vous êtes très jeune. À chaque événement qui vous concerne, vous avez 17 ans quand vous entrez en résistance, donc vous êtes très jeune à sortir de la guerre, vous êtes très jeune quand vous participez aussi au combat aux côtés des Algériens, et donc c'est toujours intéressant de voir cette temporalité-là et cette jeunesse que vous avez aujourd'hui encore, on l'entend. Merci beaucoup à vous, Annette Beaumanoir. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane Diudes, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijad, le cours de l'histoire dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Nous nous retrouvons sur le groupe Facebook Le Cours de l'histoire ou alors sur le site internet franceculture.fr ou alors en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis nous nous trouvons demain pour continuer à réfléchir sur l'esprit de résistance, les jours heureux. Nous parlerons du programme du Conseil national de la résistance.